Donc cet après-midi, comme annoncé ce matin, nous reprenons d'un point de vue plus général la question des normes et des institutions, en nous penchant sur là, au fond, la réalité de l'objet institution en théorie du droit. Dans quelle manière peut-on dire que les institutions existent et de quelle manière peut-on dire que on peut faire en fait une théorie des institutions. Je laisse donc la parole à Rick Millard qui va en parler beaucoup mieux que moi. Merci Thomas. Peut-être un petit correctif. Je suis pas sûr que ce soit une montée en généralité. C'est un point de vue différent, mais il est pas certain que la théorie du droit soit un savoir plus général que les savoirs techniques que l'on a pu voir ce matin, d'ailleurs, qui étaient pour certains théorisés. Par ailleurs, je suis pas certain que ça soit, en tous les cas pour des juristes, la théorie des institutions que nous allons évoquer cet après-midi. Mais peut-être des théories institutionnalistes, donc dans lesquelles évidemment il y a des institutions, mais qui présupposent un certain nombre de choses par rapport à ce qu'est couramment chez les juristes une institution, puisque dès la première année, les juristes étudient du droit constitutionnel et des institutions politiques, ce qui est une manière assez peu théorisée de voir ce que sont les institutions. Alors, le titre qui m'a été plus ou moins imposé, largement suggéré, porte sur les difficultés conceptuelles de l'institutionnalisme vu depuis les théories de Maurice Auriou, et d'une certaine manière c'est quelque chose qui est un peu biographique me concernant, puisqu'il fut une époque où je me suis largement intéressé à ces théories institutionnalistes, à Maurice Auriou, et que justement j'ai perçu un certain nombre de difficultés conceptuelles qui m'ont amené à m'éloigner un petit peu de Maurice Auriou, des théories institutionnalistes en général, mais surtout celles de Maurice Auriou. Alors, peut-être une précision pour commencer. Les théories institutionnalistes en droit, je crois qu'il faut en parler au pluriel, comportent un certain nombre de variantes. Et je me concentrerai vraiment sur celle de Maurice Auriou. Disons que je vois au moins trois variantes des théories institutionnalistes. Ce qu'est l'institutionnalisme de Maurice Auriou, donc qui correspond à un moment très particulier de la pensée juridique, théorique française, qui est intéressant en soi et qui, non pas sous la forme d'une école, mais sous la forme peut-être d'intuitions qui ont été reprises, a nourri une certaine réflexion. Une vision qui est à peu près contemporaine en Italie autour de Santi Romano, mais qui comporte de très notables différences. Et puis peut-être ce qui est le plus important, mais Massimo Latorre en parlera bien mieux que moi, donc je n'évoquerai pas la question, ce qu'on appelle désormais le néo-institutionnalisme, qui est une manière de penser les questions actuelles de la théorie du droit à partir d'une position qui n'est pas, disons, classiquement celle des positions normativistes, réalistes, donc qui est sans doute inspirée en partie par l'ancien institutionnalisme, mais qui a son originalité, et à mon avis c'est justement parce qu'elle est originale qu'elle arrive aussi à être une théorie parfaitement cohérente. Alors, je me contenterai de Maurice Auriou, qui, disons, en gros, a développé plusieurs versions de l'institutionnalisme. En gros, entre les années, pour faire simple, 1900-1925. Auriou est actif en publication dès la fin des années 1880. Il va publier jusqu'en 1929. Mais je me limite volontairement à la période 1900-1925, parce que c'est le moment où il pense l'institution. Auparavant, il me semble qu'il y a des prémices, mais qu'il n'y a pas de formulation explicite d'une théorie institutionnaliste. Et puis à partir de 1925, à mon avis, il y a un retour en arrière. C'est-à-dire que pour des raisons qui lui sont propres, sur lesquelles on reviendra sans doute, Auriou revient, enfin quitte la ligne institutionnaliste qu'il avait contribué à tracer pour revenir sur une vision, me semble-t-il, plus classique du droit, même s'il continue à évoquer les institutions et à parler de théorie de l'institution. Et je pense que s'il fait ça, c'est justement parce qu'il a rencontré des difficultés conceptuelles. Alors, pour faire simple, je ne sais pas jusqu'à quel point il faut que je développe un peu l'histoire ou la théorie d'Henriot, elle est peut-être connue de tous, donc si c'est le cas, je peux passer directement sur les difficultés conceptuelles. Pas forcément Thomas. Tous, hein, vous pouvez non. peut-être développer un peu. Bon, alors, très brièvement, la question qui va intéresser Henriot et qui le conduit à l'institutionnalisme, c'est une question qui est assez classique et qui sera partagée par beaucoup d'auteurs, qui est d'essayer de comprendre quels sont finalement les fondements pré-juridiques ou extra-juridiques des systèmes juridiques, et notamment du système juridique qui l'intéresse, c'est-à-dire le système juridique de la Troisième République, c'est un positiviste par ailleurs, et plus particulièrement dans le système juridique de la Troisième République, la partie de droit public qui se développe à ce moment-là, qui est le droit administratif, et qui a la particularité de se développer en dehors de codes. La tradition française depuis la Révolution française, c'est d'avoir des codes et tout un travail sur les textes, l'application des textes, etc. Le droit administratif va se développer, nous apprend-on régulièrement, de manière prétorienne, c'est-à-dire à partir de l'activité des juges qui ont été mis en place. Et la chance extraordinaire de la doctrine qui se constitue à cette époque, c'est de devoir penser le général à partir des cas particuliers que sont les décisions de justice, et donc de formuler des paradigmes généraux. Donc ça amène Henriot à se poser un certain nombre de questions historiques, philosophiques, politiques, et c'est de là que naît l'institutionnalisme. Alors concrètement, il va procéder par étapes successives, je fais brièvement l'historique. Disons que jusqu'aux années 1910, il commence à tourner autour de la notion d'institution, mais c'est une notion qui devient centrale. Dans la période qui est la période centrale, essentiellement deux ouvrages, les principes de droit public, dans les deux éditions 1910 et 1916, il va s'interroger sur les institutions à l'origine de l'État. Et puis, dans la partie terminale de cette réflexion, en 1925, dans un texte très classique, très connu, très cité, il va s'intéresser à l'institution elle-même. Autrement dit, il pose au préalable l'hypothèse que l'État a des explications historiques, sociologiques, liées à la présence d'institutions, et ensuite il s'attaque à l'institution hors de l'État. Et la principale difficulté conceptuelle, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est d'arriver à concilier ces deux approches, et peut-être pour Henriot, à assumer ces deux approches, c'est-à-dire assumer ce qu'il va mettre en avant à l'issue de cette analyse approfondie. Alors, le texte qui est le texte le plus intéressant pour nous, c'est le texte de 1925. Le texte de 1925 est un texte dans lequel, donc, Henriot réfléchit sur la notion d'institution qu'il a mobilisée préalablement. Il le réfléchit dans une perspective qui n'est pas directement une perspective historique ou philosophique, mais dans une perspective ontologique. Qu'est-ce qu'une institution ? Et il va être amené à définir l'institution autour de trois notions. Alors il y a une phrase très très longue, je vous fais l'économie de la citation de cette phrase, mais une phrase dans laquelle il indique qu'une institution, c'est d'abord et avant tout une idée. Une idée d'œuvre qui se réalise dans le champ social. Pour la réalisation de cette idée, deuxième élément, pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s'organise. Et troisième élément, ce pouvoir organise, ou en tous les cas sont organisés autour de ce pouvoir, des procédures d'adhésion à l'idée. Donc l'élément central, me semble-t-il, chez Henriot, c'est cet élément d'idée directrice. Et je crois que c'est quelque chose qui est présent dans la plupart des théories, sinon toutes les théories institutionnalistes, c'est de définir l'institution d'abord comme une idée directrice, un projet. Alors, il y a eu toute une série de lectures ensuite sur le pourquoi et le comment de cette vision d'Henriot. Une des pistes vraisemblables qui permet de comprendre pourquoi Henriot s'attache tellement à cette idée, tient peut-être à la spécificité du régime politique de la Troisième République, qui s'installe dans des conditions historiques extrêmement particulières, avec une constitution qui est une constitution en réalité visant simplement des pouvoirs publics et l'organisation de ces pouvoirs publics, et avec un problème essentiel à résoudre, qui est la question de la souveraineté ou de la légitimité. Est-ce que nous sommes dans une république démocratique, populaire, où la souveraineté appartient au peuple, tel que nous le lisons actuellement? Est-ce qu'on est dans un autre type de régime? Et dans toute cette fin du 19e siècle, il y a une réflexion très forte, Renan en étant une des illustrations, pour essayer de donner du contenu à un héritage de la Révolution française qui était l'idée de souveraineté nationale. Nation, qu'est-ce que c'est? Chez Sieyès, lorsqu'il propose la souveraineté nationale au début de la Révolution française, l'objectif et la conception de la nation est clairement précisé. La nation, c'est rien, c'est une fiction, ça n'existe pas, mais ça a une utilité extrêmement forte, c'est que dire que la nation est souveraine, ça permet de dire que personne de réel n'est souverain dans le système, et donc le recours à la souveraineté nationale est un moyen d'empêcher que ce soit le roi ou le peuple qui soit conçu comme le souverain. Et au moment de la Troisième République, on a une réflexion sur cette souveraineté nationale et ce qu'est la nation, et Renan, dans le fameux texte sur qu'est-ce qu'une nation, reprend cette idée-là en développant ce qu'on a appelé par la suite la conception française de la nation. En réalité, c'est aussi la conception américaine, hein. On a exactement la même logique. C'est-à-dire une définition de la nation, donc de la légitimité de l'autorité, du pouvoir politique et du système normatif, une définition à partir non pas de critères dits objectifs, qui désigneraient des gens comme constituant une nation, mais à partir d'un projet politique. Le rêve d'avenir partagé de Renan. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de lire la proposition d'Oriot autour de l'idée directrice comme étant justement cette possibilité de penser ce qu'est la nation sous la Troisième République, et donc d'offrir, en quelque sorte, un instrument philosophique ou théorique de lecture de ce que sont les institutions de droit positif. Alors voilà, je ne développe pas peut-être davantage sur la théorie d'Orion, on pourrait le faire très très très longuement, et j'en viens directement à ces difficultés conceptuelles. Les difficultés conceptuelles de l'institutionnalisme de Maurice Orion, à mon sens, sont extrêmement nombreuses, pour des tas de raisons. Tous ceux qui ont lu Orion sont à peu près d'accord pour dire que ce n'est certainement pas la clarté ni de son style ni de sa conception qui le caractérise le mieux. Il y a chez Orion beaucoup de confusion à la fois, me semble-t-il, conceptuelle et théorique, mais aussi de confusion dans l'expression. Il a un vocabulaire et un style qui sont extrêmement difficiles à suivre. Pour autant, ces difficultés conceptuelles nous intéressent parce que il y a malgré tout chez Orion toute une série de choses qui relèvent plus peut-être du domaine de l'intuition que du domaine de la construction théorique rigoureuse, toute une série de choses qui méritent par elles-mêmes l'intérêt dans la réflexion sur l'institutionnalisme, et surtout toute une série de choses qui vont ensuite être reprises, reformulées, à la fois par des théories qui sont des théories institutionnalistes ou en dehors des théories institutionnalistes. Et c'est justement la difficulté conceptuelle de Maurice Orion qui peut nous permettre de comprendre pourquoi lui n'a pas réussi à mener un projet que d'autres ont repris par ailleurs à partir d'autres bases. Alors, j'ai simplement retenu, à mon sens, trois difficultés conceptuelles. Il y en a sans doute d'autres. On peut discuter si celles-ci sont véritablement des difficultés conceptuelles, mais disons que je voudrais parler de ces trois difficultés. Première difficulté conceptuelle, elle réside, me semble-t-il, dans le parti pris assumé de Maurice Orion dès le départ d'un idéalisme. Il construit toute son approche à partir d'une position qui est une position idéaliste. Et évidemment, pour arriver à mesurer ce que signifie son discours et pour arriver à apprécier cette théorie, il faut arriver à se situer par rapport à cet idéalisme. Deuxième difficulté, j'ai développé ensuite brièvement ces points. Deuxième difficulté, il y a chez Maurice Orion, mais là je crois que c'est présent dans quasiment toutes les théories institutionnalistes, un problème, me semble-t-il, de confusion, en tous les cas d'absence de distinction, assumée ou non, entre les normes et le droit. C'est-à-dire que on a une conception du normatif qui est à peu près correspondante avec la conception du juridique. Or, il n'est pas du tout certain qu'on puisse tenir que tout ensemble normatif soit nécessairement un ensemble juridique. En tous les cas, concevoir cela pose un certain nombre de difficultés. Et la conclusion de cette seconde difficulté aboutit sur la troisième difficulté conceptuelle que, là, Maurice Auriou, lui, a clairement vue, qu'il a rencontrée, qu'il a dû assumer et qu'il n'a pas voulu assumer, qui est que si nous assimilons tout ensemble normatif à un ensemble juridique, nous avons une véritable question lorsque nous allons rencontrer un ensemble juridique dont on nous dit qu'il est particulier. S'il l'est, ça c'était ensuite une autre question. Il faut assumer cette absence de particularité, mais dont on nous dit qu'il est particulier, c'est-à-dire l'ensemble juridique de l'État, l'ensemble normatif de l'État, et c'est le problème de la souveraineté du point de vue politique. Donc, brièvement, pour qu'on puisse ensuite discuter, parce qu'il y a des fins connaisseurs d'Auriou dans cette salle, quelques mots sur ces trois difficultés. Bon, la première difficulté, autour de l'idéalisme d'Auriou, bon, première difficulté conceptuelle, c'est que c'est une théorie qui est effectivement, une philosophie qui est effectivement pleinement idéaliste, qui suppose que l'on assume toute une série de présupposés de l'idéalisme, et c'est notamment une théorie qui... Alors, c'est d'ailleurs pas nécessairement lié à cet idéalisme-là, on pourrait s'en sortir. Mais c'est une théorie qui ne fait quasiment pas la distinction entre un niveau descriptif et un niveau prescriptif. C'est-à-dire que la conception d'Auriou est une conception qui se présente à la fois comme nous disant comment les choses se passent, donc des outils d'analyse du social, et de manière très intéressante, il y a dans le bagage intellectuel d'Auriou une très bonne connaissance de ce qu'est le scientisme de la fin du XIXe siècle. Il se réfère sans arrêt à la question de la science et de la connaissance scientifique. Il a écrit des ouvrages sur la science sociale, qu'il appelle lui traditionnel, mais sur la nécessité d'avoir une science sociale. Il défend l'introduction de la sociologie comme matière scientifique dans les études de droit. Il va même, dans un de ses ouvrages les moins fréquentés par les juristes, mais qui me semble intéressant, essayer d'appliquer les principes de la thermodynamique, donc de la physique quand même assez lourde de l'époque, à l'analyse du droit. Donc il y a une volonté d'avoir une approche scientifique. Mais cette approche scientifique est une approche qui ne distingue pas entre le prescriptif et le descriptif. Donc, il nous dit sans cesse, voilà comment ça se passe dans le social. Et, pour faire simple, dans le social, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas les objets que le droit désigne, où il n'y a pas que ces objets-là. Il y a des objets que le droit ne désigne pas, et notamment dans la logique de la Troisième République, qui est une logique qui fait qu'il y a d'un côté l'État, de l'autre côté les individus. Auriou fait ressortir et s'intéresse beaucoup à tous les groupes sociaux, corporations, enfin tout ce qui peut structurer collectivement le social. Et puis cette description, sans que ça soit d'ailleurs toujours clairement assuré, est aussi une prescription de ce qui doit être. C'est-à-dire que le bon système juridique, il faut toujours penser que Auriou pense le droit au moment où cette doctrine-là doit donner des outils et doit donner des guides à ceux qui vont faire le droit administratif. Le bon système juridique, c'est justement le système qui assume cette pluralité du social et qui laisse une place à la normativité propre à cette pluralité du social. La deuxième confusion qui s'ensuit, c'est donc la confusion entre normes et droits. Nous avons des groupes sociaux, nous dit Auriou. Ces groupes sociaux, lorsqu'ils durent, parce que c'est un des éléments clés de la pensée d'Auriou, l'idée de durée, lorsqu'ils durent, ils durent parce qu'ils ont des règles, parce que des règles sont posées. Ces règles ne sont pas des règles qui sont les règles du pouvoir et pour le pouvoir, ce sont les règles qui sont là pour permettre la réalisation de l'idée directrice. Et donc, chaque groupe social génère un ensemble normatif. Bon, si Auriou s'en tenait là, ça serait peut-être pas problématique, mais Auriou va être un des premiers dans la tradition, qui est la tradition moderne, celle de laquelle nous découlons sur le droit, à considérer que ces ensembles normatifs sont des ensembles juridiques. Donc, ce ne sont pas simplement des normes morales, des normes d'habitude, etc. Ce sont des normes qui ont toutes les caractéristiques de ce qu'il appellera des normes juridiques, c'est-à-dire ce sont des normes du même type que celles que l'on retrouve dans l'État. Alors, au tout début de sa pensée, donc dans une perspective historique, on arrive à voir quelle est la démarche. Il s'agit de montrer que les règles de l'État ne sont en fait que une sélection, reproduction, réappropriation par l'État de règles qui structurent les ensembles sociaux préexistants à l'État. Mais évidemment, quand Horiou va poser la question directement sur le terrain ontologique de ce qu'est une institution, la définition qu'il va donner du normatif est une définition qui va ouvrir la porte à toutes les interprétations possibles, à commencer par les interprétations qui vont poser l'hypothèse d'un pluralisme juridique, donc de la coexistence simultanée, non plus simplement de la succession historique, mais de la coexistence simultanée de plusieurs ensembles juridiques, également juridiques, plusieurs ensembles juridiques à la fois dans l'État et dans la société, à partir du moment où il y a un groupe social suffisamment organisé, c'est-à-dire structuré par une idée qui dure. Alors, le problème devient ici simplement un problème de distinction conceptuelle. Ce qui est en question, c'est pas de dire que Horiou a raison de qualifier tous ces ensembles normatifs de juridiques ou qu'il a tort. Pour faire ça, il faudrait avoir une conception a priori du droit, dont moi, en tous les cas, je ne dispose pas. Le problème est tout simplement un problème conceptuel, un problème linguistique. Pouvons-nous désigner par le même terme, donc en supposant des analogies ou des identités conceptuelles, des choses qui ne sont pas semblables? Donc, pour pouvoir tenir l'idée qu'il y a un pluralisme juridique, pour Horiou, comme pour les tenants des idées pluralistes, alors ensuite on trouvera Gurwitch, on trouvera Selle, et puis dans les versions les plus actuelles et sans doute les plus contestables, ce qui se fait autour d'une certaine anthropologie du droit, qui vient nous affirmer que, à partir du moment où un groupe a des règles, ces règles c'est du droit, et ce droit doit être respecté par l'État, le problème est d'arriver à voir si effectivement les normes sont des normes du même type. Alors, il est clair que Horiou réfléchit et travaille historiquement au même moment où le premier Kelsen commence à travailler, mais sans une connaissance réelle des travaux de Kelsen et surtout sans une appétence réelle des travaux de Kelsen. Il faut rappeler quand même que dans un texte assez remarquable et pas assez souvent cité d'Horiou en 1919, si je me souviens bien, il fait un portrait de la théorie juridique allemande comme étant finalement directement la cause de Verdun et de la position du Reich, et expliquant qu'il n'y a rien à tirer de la théorie allemande du droit. Je pense qu'il ne faisait pas véritablement la différence entre l'Empire austro-hongrois et l'Allemagne, mais il y a un rejet très clair de la part d'Horiou de cette pensée juridique allemande. Donc, travaillant en dehors de tous les outils de la pensée juridique austro-allemande et notamment de celle de Kelsen, il n'aborde pas la question du droit d'un point de vue scientifique et d'un point de vue structurel. Il aborde la question du droit purement et simplement sur une observation sociale. La conséquence de sa définition du droit comme tout ensemble normatif, nécessairement ou automatiquement ou ontologiquement présent dès lors qu'il y a une institution, le conduit à placer sur le même terrain le droit de l'État et ce qu'il appelle droit, mais des autres institutions, et donc à considérer que s'il y a une différence entre ces systèmes juridiques, cette différence est purement de degré et non pas de nature. Il est donc sur une vision qui correspondrait à une prévision d'un système statique, pour autant qu'on pourrait parler de système, ce qui n'est évidemment pas sans poser un certain nombre de difficultés. Et alors c'est sans doute la troisième difficulté conceptuelle, celle qui est la plus intéressante, c'est que cette difficulté-là, Horiou en prend conscience. Les autres difficultés, on peut considérer que c'est lié à ses présupposés. Mais la troisième difficulté est une difficulté interne à la théorie. Et c'est ce qui empêchera Horiot, à mon sens, de développer totalement une théorie de l'institution et surtout qui le conduira à faire machine arrière. Celui qui a le mieux exprimé la logique de cette démarche institutionnelle d'Horiot, c'est sans doute Renard. Renard, qui est à la fois un juriste et un dominicain, professeur de droit et donc engagé dans l'ordre dominicain, et qui va donner cette définition de l'État, primus inter pares, le premier parmi des égaux. Donc l'État est à la fois comme une institution, comme les institutions, mais en même temps c'est une institution particulière. Alors, je vous laisse apprécier la contradiction in adjecto qu'il y a à vouloir parler d'ego, mais d'un égal qui serait supérieur ou qui serait différent. Mais c'est exactement la difficulté que rencontre Hoyle. Encore une fois, sa démarche initiale n'est pas une démarche anti-étatiste ou contre l'existence même de l'État. Au contraire, on peut même estimer que ce qui ressort de l'intégralité des analyses d'Horiot, à part cette formulation de 1925 de l'institution, est plutôt la relation d'un juriste à l'État qui est assez traditionnelle sur l'idée qu'il y a une souveraineté, que l'État est un ensemble de normes particuliers, etc. Et c'est le travail spécifique sur la notion d'institution qui conduit Horiot à, entre guillemets, saper les fondements de l'État. Alors si on essaie de comprendre à quoi sert la théorie institutionnelle pour Horiot dans la pensée de l'État, on s'aperçoit qu'en réalité il y a deux usages. Et que entre ces deux usages, Horiot donc n'a pas pu choisir. Le premier usage est un usage métaphorique. Le deuxième usage est un usage métonymique. Chronologiquement, c'est l'usage métonymique qui a précédé l'usage métaphorique. L'usage métonymique, ça veut dire que l'institution est prise comme un élément idéal typique qui désigne la constitution même de l'État. L'État est fait à partir d'institutions, d'un point de vue historique, et par ailleurs l'État est composé d'institutions, d'un point de vue structurel. La logique métaphorique, c'est de dire que l'État est comme une institution, c'est-à-dire comme le sont d'autres institutions. Or évidemment, si on pose cette logique métaphorique, et c'est celle que Horiot pose en 1925, si on pose cette logique métaphorique, on se heurte à deux problèmes. Pardon. Un premier problème qui est le problème des relations entre institutions. De quelle manière est-il possible de concevoir entre ces groupes qui seraient des institutions et qui sont générateurs eux-mêmes d'ensembles normatifs, des relations qui soient de même nature, c'est-à-dire de nature institutionnelle. Quelle est finalement l'idée d'œuvre, l'idée directrice de ce qui serait l'institution englobante, composée non plus à partir des individus, mais à partir des institutions, puisque, nous dit Horiot, ce sont ces institutions qui sont dans le champ social. Évidemment, la deuxième difficulté, c'est qu'à partir du moment où l'on a dit que l'État est une institution comme sont les autres institutions, ce qui, selon Horiot lui-même, caractérise l'État, la souveraineté, la supériorité normative, etc., devient quelque chose qui est conceptuellement impossible à mettre en œuvre. Nous sommes réduits à ne faire de l'État qu'une institution parmi d'autres qui n'aurait aucune supériorité par rapport aux autres institutions. Donc la première question est une question de difficulté conceptuelle de la théorie. La deuxième question est une question de difficulté politique. Où est passé l'État souverain auquel Horiot est tellement attaché? Et donc à partir de cette constatation, alors c'est pas présent dans le texte de 1925, c'est présent quand on regarde ce qu'écrit Horiot après 1925. À partir de cette constatation, Orioux fait machine arrière et revient sur une conception beaucoup plus modérée de l'institution et finalement beaucoup plus classique, totalement acceptable par des juristes traditionnels. D'ailleurs, pas étonnant que quand on réédite du Orioux à l'heure actuelle, c'est le Orioux de cette période terminale que l'on réédite. On va même des fois jusqu'à rééditer des textes posthumes qui ont été revus et corrigés de manière à pas mettre trop le bazar dans la conception d'Orioux. Ce qui me paraît intéressant, c'est que cette difficulté-là, la difficulté de penser le rapport de l'État et le rapport des autres institutions, que sociologiquement on peut constater, que philosophiquement on peut souhaiter, c'est une pierre d'achoppement pour quasiment l'ensemble des théories qui veulent poser en ces termes la question du pouvoir et la question des normes. Je donne simplement une illustration, on évoquait ça tout à l'heure. Quand nous essayons de penser l'Union européenne, nous avons exactement ce type de problème. Comment penser l'institution englobante qui n'est ni à la fois la même que les institutions englobées, ni totalement différente, puisqu'elle fonctionne elle aussi sur cette idée de structure normative, de supériorité, etc. C'est également le problème qu'ont rencontré les théories anthropologiques du droit et les théories du pluralisme, qui, elles, à la différence d'Orioux, assument clairement la conclusion, puisque l'État est une institution comme les autres, alors toute prétention de l'État à la souveraineté n'est qu'une magnifique construction idéologique qui n'est pas vérifiée ou vérifiable et qu'en toute hypothèse politiquement, on doit contester. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour permettre la discussion. Très bien, merci beaucoup Éric Millard pour cet exposé synthétique, dense et clair, qui nous a permis à la fois de retrouver Maurice Orioux et de nous repérer dans le champ des questions ouvertes par son œuvre, par sa recherche en général. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire ? J'en aurais évidemment, mais... Je vous appelle de Weinberg, qui est très intéressé à l'idée des institutions choses. Parce que Orioux, personne et chose, oui. Personne et chose. Et Weinberg disait qu'il y a des choses institutionnelles. Il y a des objets, par exemple, il parlait des juifs, il parlait du crucifix. Il disait, ça c'est très actuel avec la. Il disait à Weinberg, le crucifix c'est une institution chose, c'est une chose avec une fonction institutionnelle. Quel était l'exemple de Orioux ? Quel exemple donnait des institutions choses ? Alors, essentiellement chez Orioux, mais quand il fait la distinction, il parle beaucoup des institutions personnes, parce qu'on a toute la logique corporative et on retrouve des choses classiques, hein, la commune, la famille, etc. Pour les choses, il s'intéresse essentiellement aux règles. La notion d'institution chose, c'est essentiellement la notion de règles. Dans ceux qu'il étudie, mais c'est très court. C'est très intéressant. C'est une ontologisation de la normativité. Absolument. Et c'est là que Romano la critique. Et Romano le critique là-dessus et sort, lui, de cette logique idéaliste ou de ses problèmes, mais à un prix qui est un prix qu'il fallait assumer de payer, qui est de rentrer dans le modèle positiviste. Parce que finalement, Romano est celui qui prend les théories institutionnalistes pour les fondre dans un modèle explicatif positiviste, et il est parfaitement cohérent par rapport aux grandes théories positivistes. Une des critiques de Bobbio, d'ailleurs, à propos de Hart, est de dire que Hart ne faisait que réinventer ce que disait Santi Romano. Je sais pas, est-ce qu'on peut dire que l'opposition entre l'État et les institutions, enfin que la valse hésitation de Orioux, que vous mettez en lumière, reflète au fond l'indécision de son positivisme, justement. Est-ce qu'au fond la difficulté à penser l'État, c'est la difficulté à penser une science du droit, à confondre, comme vous l'avez dit, le descriptif et le prescriptif. J'y vais un peu brutalement, hein, mais du coup, Ouais, c'est peut-être un peu brutal pour Oriou, parce que je pense qu'il n'y a pas une confusion assumée. Il y a juste qu'il n'est pas dans ce modèle de ce que va devenir ensuite les outils modernes des théoriciens du droit pour poser la question. Est-ce que ce sont des hésitations de son positivisme ? Bon. D'abord, j'ai du mal à voir dans Oriou un positiviste, parce que il s'inscrit dans une tradition qui est quand même très fortement une tradition de droit naturel. Il étudie le droit positif, mais à partir de grilles qui sont de droit naturel. Mais en admettant ça, je pense pas qu'on puisse parler d'hésitation. C'est-à-dire que je crois qu'une des erreurs, à mon sens, dans la lecture et la compréhension de ce que fait Oriou, serait de dire Oriou hésite entre deux points de vue et adopte tour à tour deux points de vue. Je crois qu'au contraire, il y a une constance dans sa recherche. Mais, et c'est ce qui me rend Oriou finalement sympathique, c'est que chaque fois qu'il commence à formuler une théorie, il s'interroge sur cette théorie, il essaye de travailler les concepts qu'il met en œuvre, et tant pis si la théorie explose. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre la conception de 1910 et la conception de 1925. Il y a simplement qu'il a une conception en 1910 qui est déjà présente dans les articles de 1905-1906 et qu'il développe pour les besoins du développement de cette conception. Il faut qu'il pose la question ontologique de l'institution, et en travaillant la question ontologique de l'institution, il fait ressortir la difficulté conceptuelle. Donc je crois que c'est vraiment le résultat nécessaire, mais qui lui apparaît pour des raisons purement conjoncturelles, le résultat nécessaire d'une même ligne de réflexion. Et on voit par exemple des choses extrêmement intéressantes. Sur le terrain du droit administratif, par exemple, les administrativistes français ont l'habitude d'opposer Oriou et Dugui en disant Oriou c'est la puissance publique et Dugui c'est le service public. En réalité, on a une théorie du service public qui est grosso modo celle de Dugui, qui est présente chez Oriou à la fin des années 1890, et que Oriou abandonne parce qu'il dit ça tient pas. Quand je cherche, cette théorie ne tient pas. Et il va développer la théorie de la puissance publique sans jamais abandonner la théorie du service public. Et Dugui ne va reprendre que la conception du service public antérieure d'Oriou. Donc il y a vraiment cette démarche intéressante, mais extrêmement risquée pour lui. Il prend ses risques de prendre au sérieux ce qu'il propose pour continuer à travailler la question. Il n'y a jamais de position arrêtée qu'il va défendre. Sauf peut-être à la fin de sa vie, parce que là, il a quand même ouvert une boîte de Pandore qu'il n'accepte pas. Katerina Gabrielli. Est-ce que vous trouvez un rapport entre ces oscillations et les courants du droit administratif plus en fait orientés envers le service public ou plutôt vers la puissance publique? Est-ce qu'il y a un rapport envers entre ces oscillations? En fait, je vais défendre plus le pôle de l'institution dans un sens quand c'est la puissance publique qui prime en fait en droit administratif et l'envers. Non ? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, et je dis ça à la fois à partir de la lecture des grands textes théoriques que sont les principes, la théorie de l'institution, mais surtout de ce qui est le plus intéressant si on veut poser cette question-là, c'est-à-dire les commentaires, les notes d'arrêt d'Oriou. Il y a trois volumes complets de notes d'arrêt d'Oriou. On s'aperçoit déjà que... Alors, où il avait un sens aigu de ce qui se passait, parce qu'il a raté aucun des grands arrêts, où les grands arrêts sont construits à partir de la lecture d'Oriou, ce qui est aussi possible, mais je ne crois pas qu'il y ait cette forme, disons, d'opportunisme chez Oriou à faire prévaloir un côté sur l'autre. On a ça chez Dugui, en revanche. Je vous demande ça parce qu'en lisant la gestion administrative, peut-être que vous connaissez, on rencontre déjà cette idée de droit réel administratif comme fonction. Or, après, c'est l'institution qui va devenir une fonction chose. Je me demande donc si la formulation de la théorie de l'institution dans sa première version, donc comme vous l'a dit, métonymique, c'est lié à ça. Peut-être qu'il aurait débouché ces concepts d'un droit réel qui est en temps subjectif aussi, dans le fonctionnement en fait des services publics. Mais je crois que ce que peut-être vous dites. Peut-être qu'il en fait, le voit un autre. Non mais je crois que ce que vous dites, je crois que ce que vous dites va justement dans le sens de la constance. C'est-à-dire que évidemment, il se pose un certain nombre de questions à partir de son travail d'annotateur et de concepteur du droit administratif, mais il n'a pas, me semble-t-il, sauf après 1925. Je veux dire qu'il fait la théorie de ce qu'il a fait, en fait, dans un deuxième temps, parfait. Il monte, il crée une théorie sur quelle. Alors, ça, je suis pas d'accord. Je pense qu'au contraire, il fait en même temps la théorie de ce qu'il fait et les annotations. Je crois pas qu'il y ait cette prise de recul et cette séparation entre le travail d'annotateur et le. En plus de recul, en fait. Il commence un certain travail dans sa partie contentieuse, et puis peut-être il s'est fait prendre la main un peu et il construit après cette théorie de l'institution, en fait. Parce qu'en fait, je vois les traces de l'institution chose bien avant, qui disent là, on a les institutions chose et puis l'institution corps. Ouais, mais. Parce que l'idée de l'institution fonction, ça commence à monter dans les œuvres où il travaille sur les contentieux, en fait. Non, mais je comprends bien, je suis d'accord sur l'observation. Je dis que après, en disant ça, sa théorie dans l'institution devient objective, vraie et tout ça. Non, je sais de voir comment ça se forme, en fait. Je crois que ça se forme sans séparation. C'est-à-dire qu'il pense les deux choses en même temps. Il le pense quand il fait un travail d'annotateur de droit administratif, il le pense quand il fait des ouvrages beaucoup plus réfléchis. Les principes du droit public, ça se présente pas comme un ouvrage de théorie, comme peut être l'article sur l'institution de 1925. Il fait tout ça en même temps. Ce que je veux dire, si on pose attention au premier écrit, par exemple la note sur l'influence des institutes, bon, là, institution, c'est vraiment un schéma, un contenant dans les sources métonymiques. Donc il y aurait quelque chose peut-être entre métaphorique et métonymique, peut-être la métonymique. Ouais, mais on le retrouve jusqu'en 1916, cette conception-là. Jusqu'à la deuxième édition des principes de droit public, on retrouve la même conception. Non, ce qui va être différent entre les premiers textes, et notamment sa thèse, qui n'est pas du tout une thèse de droit public, hein, il travaille sur le droit romain, ce qui va être présent dès le premier texte et qui ensuite va être travaillé, c'est ce que signifie une institution. Il commence par, comme tous les juristes, parler des institutions, sans vraiment savoir ce que ça signifie, et puis il va petit à petit, aussi bien dans son travail de réflexion, bon, les deux grands ouvrages, hein, de la science sociale traditionnelle et les leçons sur le mouvement social, dans les années 1890, que dans ses notes d'arrêt, il réfléchit autour de la même question. Il y a vraiment une constance de cette question, me semble-t-il, et il me semble difficile de séparer selon les types de travaux qu'il fait. Non, pas c'est pas le dire qu'il y a toute une partie où l'institution ne s'est pas encore formulée comme théorie, oui. Mais l'objet institution est déjà là, et après il construit sur en fait une pratique qu'il a fait où l'idée de institution fonction chose est déjà là, mais après il construit, je ne dis pas qu'alors ça devient vrai. Non, mais sans parler la question de la vérité, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que on voit la montée en puissance de cette idée, mais je ne pense pas qu'à un moment donné, Oriou se soit dit, bon voilà, qu'est-ce que j'ai fait depuis 10 ans? C'est toujours la même démarche, et elle est présente, à mon avis, dès le départ, hein, dès la science sociale traditionnelle, il y a ce genre de réflexion. Alors évidemment, après, ça prend du temps, et puis il va sélectionner les questions. C'est-à-dire, la rupture, c'est vraiment le passage, à mon avis, de la conception métonymique, donc historicisante, à la conception ontologique, et au texte de 1925. Mais c'est une rupture nécessaire pour lui. Effectivement, pour arriver à continuer à développer sa réflexion, il a besoin de définir ce qu'est l'institution dont il parle. Oui, et alors, les institutions choses ne peuvent pas se concevoir sans le corps, mais en réalité, ça pourrait être un anglais. Alors après, j'ai pointé trois grosses difficultés. Comme je le disais, il y en a beaucoup d'autres. Dans ce mode de fonctionnement, je ne parle pas objectivement, absolument, comme des choses existantes. Ouais. Non, je suis d'accord. Les institutions, la notion d'institution viendrait finalement des sciences sociales, au moment où il l'a, enfin disons de la sociologie, ou au moment où, disons où la, il l'utilise. La sociologie, alors oui, si on veut pointer vraiment la raison, bon, mais ça a été assez bien étudié, la préface de Durkheim à la méthode, et surtout le grand article dans la grande encyclopédie 1900, le grand article de Mauss sur l'institution, on sait clairement que ça a été une source essentielle d'inspiration pour lui. D'accord. Mais la défense de la sociologie, il le fait avant bon, la phrase qui est citée partout, un peu de sociologie éloigne du droit, beaucoup y ramènent. Et il y a cette volonté d'avoir une conception qui soit pas une conception coupée du social, du droit. Alors, si je comprends bien, votre conclusion sera assez pessimiste. C'est-à-dire, au fond, il a essayé d'utiliser des concepts sociologiques, et en fait, ça ne pouvait pas fonctionner. Sa logique juridique l'a amené petit à petit à prendre conscience du fait que c'était pas possible. Je crois pas que ça soit sa logique juridique, parce que, on va le voir avec Massimo, mais à partir de certaines des intuitions d'Oriou, ou en tous les cas de points de départ qui sont comparables à ceux d'Oriou, on peut arriver à construire autre chose que ce qu'a fait Oriou. Moi, j'ai l'impression que Oriou a poussé sa logique jusqu'au bout, mais le bout de sa logique, c'est la disparition de l'État. Et Oriou était tout sauf un communiste et un anarchiste, et affirmer la disparition de l'État, pour lui, c'est ce qui pouvait arriver de pire. Donc, la difficulté conceptuelle ne veut pas dire que la théorie, si on assume par ailleurs l'idéalisme et d'autres choses, mais que la théorie d'Oriou soit une théorie nécessairement incohérente, c'est juste que Oriou ne pouvait pas supporter par rapport à ce à quoi il croyait de tenir cette théorie-là. Donc c'est pas nécessairement du pessimisme. C'est très intéressant de voir, par exemple, alors dans des choses qui sont extrêmement différentes, mais en pédagogie institutionnelle, et notamment dans les années 70, dans des mouvements qui étaient quand même très très marqués par l'extrême gauche, l'autogestion, etc., on a des références explicites à Oriou et à ce type d'analyse. Loureau avait écrit une réflexion sur l'institutionnalisme dans laquelle il affirme à la fois son anarchisme et son suivi des préceptes ou des prémices de la théorie d'Oriou. Et une lecture intéressante de Sartre est de se poser la question pourquoi Sartre n'a écrit que la premier tome de sa critique de la raison dialectique. De la raison dialectique. Et à la fin du premier tome, qui développe quelque chose qui est très proche des bases institutionnalistes. Et à la fin du premier tome, il annonce, et maintenant il y aura un tome 2, les relations entre groupes. Et le tome 2, il ne l'a jamais écrit. Si on imagine que c'est pour des raisons conceptuelles, c'est vraisemblablement parce qu'il a dû rencontrer les mêmes difficultés conceptuelles qu'Oriou. Alors lui, pas à cause de son étatisme, mais peut-être à cause de son anarchisme, pour le coup. Là. Bon, enfin, certes, anarchiste, ouais. Bon, ça, on verra ça. Pas évident, hein. Pour le futur congrès Sartre, ou le colloque Sartre de l'année prochaine, je sais pas, il y en a déjà eu un dans cette salle, en fait. Sartre dans cette salle ? Oui. Une réduction de l'intérêt. D'autres questions ? Où nous passons à un autre versant, oui. Est-ce qu'il parle des droits fondamentaux? Est-ce qu'il y a une place dans sa théorie institutionnelle pour les droits subjectifs? Parce que par exemple, j'ai maintenant si concevoir la règle comme chose pourrait nous donner la conclusion que si les droits sont des choses, donc il ça serait une théorie institutionnelle des droits fondamentaux avant la lettre, c'est-à-dire avant voilà, c'est, l'humain, non donc, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Si on accepte l'anachronisme et que effectivement les termes ne seront pas les mêmes, il y a effectivement de la place pour ça. Il fait très, très sérieusement une distinction entre des droits statutaires et des droits disciplinaires. Et pardon. Le droit statutaire et le droit disciplinaire. Le droit statutaire étant un droit qui protège les membres de l'institution en raison de fait qu'ils font partie du groupe, qu'ils adhèrent à l'idée directrice, etc. Et le droit disciplinaire étant un droit qui, lui, n'est pas fondé sur la protection, mais, bon, droit de police, etc. Donc, il y a déjà cette conception-là. Par ailleurs, là où c'est très intéressant, c'est comment il remobilise le concept d'institution en 1929, donc après avoir fait machine arrière, et notamment pour faire une distinction entre une constitution qui serait une constitution juridique de la France et une constitution qu'il appelle, si mes souvenirs sont bons, constitution sociale. Et derrière cette constitution sociale, il y a notamment ce qui n'est pas dans le droit constitutionnel positif, mais qui est lié à l'institution elle-même. Et toujours cette logique autour des éléments fondateurs du groupe national, et notamment, il fait partie de ces juristes qui, au début du XXe siècle, alors que la Déclaration des droits de l'homme n'a pas de valeur juridique en droit positif, défendent les valeurs de la Déclaration des droits de l'homme et l'explique par ce côté, par cette théorie institutionnelle. Donc, il y a une démarche qui effectivement peut nous rappeler ce qu'est la réflexion à l'heure actuelle sur les droits fondamentaux. C'est une dernière question. Allons-y, nous avons un peu de temps, profitons-en. Je me demande, à votre avis, en fait, entre ces deux variantes, c'est pas aussi le juge qui joue un rôle d'équilibre? Aménager ces deux variantes de théorie des constitutions. C'est d'ailleurs les deux variantes métaphoriques, métonymiques. En fait, j'ai lu une phrase dans un test, je ne me souviens plus exactement le point, qui disait que bref, comme maintenant les juges administratifs ont un certain type de travail, maintenant, les juges judiciaires peuvent en fait sortir du cadre strict de l'application de la loi, parce que désormais ils se font équilibre, une sorte de compétition entre les juges. Et en fait, je retrouve un peu cette logique dans les gens qui travaillent, qui ne font pas de la théorie du droit, hein. Comme Olivier Kayla, d'État de droit, en fait, je me réfère. Olivier Kayla fait de la théorie du droit. Hein. Pas dans cette partie. Il fait partie de mon groupe de recherche qui s'appelle Centre de théorie du droit, donc. Pas dans cette partie. Que... Ouais. Je comprends l'idée, mais je vois pas comment vous le rattachez à ce que ça soit deux conceptions différentes de l'institution. Je veux dire, une variante plus orientée envers l'objectivité et une orientée plus envers la subjectivité, en fait. Comme s'il y aurait deux incarnations du droit selon les deux juges qu'on contrapose, en fait. Puisque, au début, le juge administratif est censé protéger un certain type de logique politique, c'est-à-dire en fait un droit subjectif pour faire opposition à la résurgence par les biais du juge judiciaire d'une forme de droit objectif coutumier. Ouais, mais on pourrait tenir exactement la position inverse, c'est-à-dire il y avait aussi des théories qui disaient que le juge administratif, au contraire, n'appliquait qu'un droit objectif, parce qu'il se préoccupait pas des questions de droit subjectif ou de droit des individus, alors que le juge judiciaire, lui, était protecteur des droits subjectifs. Évidemment, après, il faut expliquer d'où viennent ces droits subjectifs, est-ce qu'ils viennent de la loi ou pas. Donc, je crois que c'est un peu plus compliqué. À mon sens, l'approche d'Oriou dont vous parlez, c'est une approche qui est relativement commune au tournant du 19e et du 20e siècle. Alors, ça a été bien étudié, notamment en droit privé, par Marie-Claire Bello, qui est une juriste canadienne qui a fait sa thèse à Harvard avec Duncan Kennedy. Et elle a baptisé cette génération de juristes de juristes inquiets. C'est-à-dire, ce sont des juristes qui, fondamentalement, sont assez conservateurs, qui n'ont pas vraiment envie qu'il y ait une évolution sociale, économique, politique, ou si elle est politique, ça serait plutôt un retour vers des formes de régime précédent, mais qui comprennent que la rigidité du travail exégétique, notamment du juge judiciaire, lié avec l'évolution sociale et économique de la France, va amener à un point de rupture, et que si l'on ne veut pas finalement que le socialisme l'emporte dans une version représentative avec des nouvelles lois qui changent le code civil, ou dans une version plus dure avec des mouvements révolutionnaires, il est nécessaire de changer les méthodes de travail du juge et donc d'introduire toute une série de prises en considération du droit naturel, enfin sortir de l'exégèse. Mais c'est extrêmement courant à cette époque-là, et je crois que de ce point de vue-là, Horiou va aussi dans ce sens-là. Il est représentatif de cette époque. C'est pas spécifique à sa théorie institutionnelle. Non, c'était pour en fait justifier ce que Marie fait en ce temps-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas en logique normative qu'on puisse dire bon, c'est cohérent conceptuel, mais peut-être c'est cohérent dans une logique non conceptuelle, justement idéaliste. Ouais, c'est cohérent. Les concepts, c'est la même chose d'abord. En fait, c'est ça. Dans son mode de fonctionnement, peut-être c'était cohérent, mais pas dans un autre mode conceptuel, descriptif, analytique. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Les deux premières critiques que j'ai apportées sont des critiques qui sont externes à la théorie. Et la troisième me paraît la plus importante parce que c'est une difficulté que Horiou lui-même met en évidence. En disant, bon, c'est l'idée, c'est pas les concepts, on voit mieux les pathologies. Et puis, Dieu, c'est des pathologies ou de la richesse, en fait, ça dépend du point de vue. Ça dépend clairement du bagage intellectuel que nous adoptons. Bien sûr, c'est pas de la théorie. Justement, une philosophie idéaliste, ça savoir quel idéalisme. Ouais, voilà, moi j'ai quand même l'impression, mais là je parle sous votre contrôle parce que vous connaissez mieux Horiou de ce point de vue-là, mais j'ai quand même l'impression que le bagage simplement philosophique, c'est-à-dire à la fois ce qu'il connaissait de la philosophie et la manière dont il en fait, n'en font quand même pas un grand philosophe. Ouais, il colle. Sur les processus qu'il fait, la philosophie qui puisse le plus les convenir. Ouais. Bref, le tourisme. Ouais. Ouais. Mais c'est celle à laquelle il croit aussi. Hein. C'est pas simplement par. C'est ce qui me permet de faire quelque chose. Il y a chez Horiou des valeurs qu'il affirme tout le temps. Et oui, il est thomiste. C'est ça, c'est différent de dire qu'il est, comment dire, non cohérent, qu'il a des difficultés. En fait, ces difficultés ressortent justement dans un cadre conceptuel, mais pas dans sa philosophie. C'est peut-être pour ça qu'il a été convaincu, extrêmement convaincu, et il continuait en fait à reproduire la même pensée par cycle. Là, il reproduit les grands cadres, ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut changer à l'intérieur, et parce que ça je trouve ça assez admirable. C'est assez rare de disposer d'un auteur comme ça qui va en gros travailler la même question pendant pratiquement 40 ans, et qui très régulièrement, il n'y a aucune position de Horiou qui est tenue pendant plus de 3 ou 4 ans. Ouais. Il est toujours très très productif dans les notes d'arrêt, etc. Et chaque fois il se remet en cause. Mais il se remet en cause avec toujours cette même ligne directrice. Ouais. Donc c'est au moins de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui mérite attention. Il faut que tout change pour que rien ne change. Ouais, sauf que lui se réfère pas à l'état de la société, il se réfère à ses propres outils. Mmh.